sol. Face à l'océan, sur l'écume de la plage, un enfant seul. Sur l'écume d'un enfant noyé, noyé de poubelle.